seigneur, le duc d'Aquitaine, a pris comme il en a le droit les cadets et les capitaines de Gascogne et puis de Guyenne. Ils sont partis servir le roi, ils sont partis servir le roi. J'ai vu passer leurs oriflammes sur les chemins claquantement, par violets de mille écus d'armes. Ils allaient, tous ces hommes d'armes, comme combattants, servir le roi, comme combattants, servir le roi. Monseigneur, j'ai vu les cigognes passant pour des pays moins froids. Où sont-ils, les ports de Dordogne, méchants de Guyenne et Gascogne? C'est bien long de servir le roi, c'est bien long de servir le roi. Monseigneur, le duc d'Aquitaine a pris comme il en a le droit les cadets et les capitaines de Gascogne.